Alors, juste pour faire un petit test, si vous avez de mémoire, quelle était la fête la semaine passée, dimanche passé? Bon, très bien. Donc, vous avez compris, baptême de Jésus. Donc, c'est-à-dire ce baptême qui se passe pour Jésus dans la trentaine. Donc, et là où finalement ça marque le départ de sa vie publique. Il va se mettre dans le rang des pécheurs, dans la ville, il se fait plonger par Jean-Baptiste dans le Jourdain, et le ciel, tout de suite après, s'entrouvre. Une voix se fait entendre, celui-ci est moi que j'ai engendré, écoutez-le. Tout de suite après, eh bien Jésus, le texte nous dit qu'il y avait des disciples. Le texte de Jean, l'évangile de Jean, nous relate que durant ce moment où Jésus a été baptisé, il y avait des disciples autour de Jésus, autour de Jean-Baptiste, mais qui se sont mis à suivre Jésus. Et ces disciples, entre autres Jean, André, qui à leur tour sont allés chercher leurs frères, Jacques et Pierre, et puis ensuite il y a eu Philippe, Nathanaël. Donc il y a un petit groupe de personnes qui commencent à se mettre autour de Jésus, qui sont un petit peu fascinés par ses paroles. Et l'épisode qu'on vient de lire, l'évangile qui nous parle des noces de Cana, eh bien c'est le tout début de l'évangile de Jean. On est au chapitre 2. Jésus n'a pas encore fait de miracle. Ce sera le premier miracle qu'il va faire. Lui qui est plein de l'Esprit Saint et qui a été confirmé et envoyé par cette onction de l'Esprit Saint et cette voix du Père, comme on a entendu la semaine passée. Donc, si on peut essayer de se plonger un petit peu dans le texte, là, essayer de s'imaginer ce qui se passe à partir du texte qui nous est donné. Donc, Marie, la mère de Jésus, est invitée à une noce. Et c'est bien familial là-bas. Donc, on invite aussi Jésus. Puis, tant qu'à faire, ben, Jésus vient avec sa gang. Donc, c'est ça. C'est pas un open house, mais c'est un open mariage. Et donc, Jésus, sûrement, avec sa gang encore, il devait jaser, il devait commencer à entretenir toutes sortes de conversations, poser des questions. Et les autres devaient être suspendus à ses lèvres. Et là arrive Marie, la mère de Jésus, qui vient dire à Jésus, ils n'ont plus de vin. Ils viennent, d'une part, la maman vient déranger un petit peu les bonnes conversations profondes que le fils devait avoir avec ses potes. Et puis, Jésus semble effectivement donner une réponse un petit peu de gars dérangé, là. Femme, que veux-tu? C'est un petit peu. Ça nous choque un petit peu des fois, là, notre sensibilité, c'est quand même ta mère. C'est quand même la Sainte Vierge Marie, Jésus, quand même, oublie pas, là. Et il lui dit, mon heure n'est pas encore venue. Marie sait c'est qui Jésus. Marie sait que c'est pas juste le gars de Nazareth, que c'est celui qui est plein d'Esprit Saint, c'est celui que Dieu a choisi pour consoler son peuple. Pour consoler son peuple. Et là, Marie, dans sa mère, a dit, c'est épouvantable, une noce où, imaginez une mère de famille qui prépare la bouffe, puis là, il manque de la bouffe, l'angoisse. Hein, l'angoisse. Les mamans savent, ça se peut pas manquer de bouffe, manquer de nourriture ou manquer de vin. Donc, c'est une angoisse de mère, disons. Mais, on se dit quand même, c'est pas des services essentiels. Hein. Du vin, on aurait pu penser, ben, OK, il y a un lépreux, il y a quelqu'un qui est en train de s'étouffer avec du pain, avec une cuisse de poulet, quelque chose. Jésus, vite, fais quelque chose. Mais là, il manque de vin. C'est quand même pas la fin du monde. Jésus semble donner une réponse un petit peu pas très enthousiaste, mais Marie, une bonne femme tenace, comme ça va être souvent tenace les femmes quand elles veulent quelque chose, vous savez le dicton, hein, ce que femme veut, Dieu le veut. Bon, je sais pas si c'est tiré de cet évangile, mais il semble que même Dieu, ici le Fils de Dieu, a obéi à Marie. Et Marie, donc très tenace, dit simplement au serviteur, dit pas à Jésus quoi faire, mais elle dit au serviteur, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Et tout ce qu'il vous dira, ça veut dire, il vous demandera peut-être des choses que vous allez dire, mais ça, c'est quoi le rapport? Mais peu importe, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Et là, de fait, Jésus demande quelque chose d'un petit peu bizarre au serviteur. Le texte nous dit, il y avait là 7 cuillères pour les ablutions rituelles juives. Chacune contenait environ 100 litres. Jésus dit au serviteur, remplissez d'eau ces cuves. Donc 100 litres, on s'entend, c'est pas juste un vinier, vous savez, c'est 4 litres. 100 litres fois 6, ça fait 600 litres. Ça fait beaucoup. Et Jésus dit au serviteur, remplissez d'eau des cruches. Ils les remplirent jusqu'au bord, nous dit le texte. C'est drôle, il y a toutes sortes de petits détails étonnants, jusqu'au bord. Ça déborde, ça est rempli en fait. Puis là, Jésus dit, « Bon, maintenant, puisez, allez porter au maître du repas. » Là, les serviteurs vont dire, « Une minute, là. T'es gentil, Jésus, je te connais pas trop, là, mais moi, c'est moi qui vais avoir l'air fou, là, devant Jésus. Une belle louche d'eau. Je vais avoir l'air de quoi, moi, hein, le serviteur qui... » Mais peu importe, il passe par-dessus probablement son étonnement, son désir de dire « une minute, je ne veux pas avoir l'air pour un fou ». Et il y va, il fait simplement ce que Marie lui a dit. Marie a pointé à Jésus, puis il a dit « tout ce qu'il vous dira, faites-le ». Et il n'a pas l'air d'être trop sensé. Et finalement, il sert, et oups, ce qu'il verse, c'est plus de l'eau, c'est du vin. Et du bon vin. Le maître du repas goûte, puis il dit « wow ». Et là, il est même à ce point étonné qu'il va voir le marié. Le marié, il dit « hey, t'es vraiment hot, mon gars ». D'habitude, on sert du bon vin au début, puis quand le monde est un petit peu pompette, qui est le papy, ils ne savent plus trop goûter la différence entre du très bon vin et le plus bon vin, on met de la piquette. On sert le fond de la cuve. Mais toi, tu donnes du bon vin jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Wow! Le marié n'a pas dû trop comprendre. Je n'ai pas acheté de bon vin spécialement. Il n'a pas dû comprendre trop ce qui se passait, mais le texte nous dit les serviteurs, eux, le savaient, eux, d'où venait ce vin. En fait, ça venait de l'eau. Ils ont puisé de l'eau. Ils le savent, c'est eux qui l'ont mis. Donc, ils savent que, oups, il y a un petit problème. Il s'est passé quelque chose de pas normal. De l'eau, si vous remplissez vos bouteilles d'eau à la maison, là, si vous les laissez sous le comptoir, vous pouvez les laisser une semaine, vous pouvez essayer, faire le test cette semaine, laisser une semaine, deux semaines, vous me direz si vous avez du vin. Si oui, ben, on se partira une compagnie ensemble. Mais en fait, d'habitude, ça marche pas comme ça. Il s'est passé quelque chose de pas normal. Jésus a exaucé la demande de sa mère de commencer tout de suite à apporter la joie. Le texte nous dit, tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. C'est le début où Jésus commence à manifester qui il est. C'est pas juste un gars ordinaire, c'est pas juste un bon gars, c'est pas juste un bon philosophe. C'est celui qui est plein de la bénédiction de Dieu et qui, ce qu'il dit, il a un peu ce même pouvoir que Dieu, hein, ce que Dieu veut, le Père créateur, il est capable de tout faire à partir de rien. Mais son Fils, le Fils unique de Dieu, est capable de faire du vin à partir de l'eau. C'est intéressant, ce premier miracle est un signe prophétique. Il annonce le but de toute la vie de Jésus. Ça se passe pendant une noce. Vous savez, la noce, c'est une image par excellence qui est très privilégiée dans la Bible, cet amour entre l'homme et la femme qui est placé dès le début de la création. Hommes et femmes, il les créa dans la Genèse, on dit ça. Et ceci, c'est être à l'image de Dieu. Au milieu de la Bible, on nous parle du Cantique des Cantiques, ce livre amoureux avec même des passages érotiques, on pourrait dire, mais qui sont appelés à nous parler de l'amour de Dieu pour l'humanité. Et le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, de quoi ça nous parle? Ça nous parle d'une noce encore. Et ici, le premier miracle de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Ça se passe pendant une noce. C'est pas juste par hasard. Ça veut dire quelque chose. Dieu est venu pour célébrer une noce avec l'humanité. Il vient rétablir l'image de Dieu. C'est pas juste un bon Dieu qui est grand, maître, tout-puissant, et qui veut juste que sa créature le respecte, et il veut juste regarder de haut sa créature. Non, il veut élever étonnamment sa créature pour en faire comme une épouse et avoir avec elle une relation vis-à-vis, face à face, d'amant à aimé. Et il veut nous élever à cette dignité étonnante. Il veut épouser l'humanité. Il veut que ce soit une relation empreinte. Ce qui était vrai aujourd'hui. L'Ancien Testament, la première lecture là, qu'on a entendue, c'est du pays. Il nous parle encore une fois, ça annonce un peu ce que Jésus vient d'accomplir. Donc le texte dit, cette terre dont on parle, entre autres de Jérusalem, ou cette terre qui avait été donnée à Dieu, mais qui ensuite était dévastée, où les ennemis sont venus comme tout déportés. Eh bien, cette terre désolée, on lui donnera un nom, dit le prophète Isaïe. On t'afférence. Toi qu'on appelait délaissé, je ne sais pas s'il y a une femme ici qui aimerait ça se faire appeler délaissé, si vous cherchez des noms de baptême, délaissé. Non. Mais se faire appeler ma préférence, en belote. Et le texte dit encore aussi, on appellera ta terre épouser. Dieu veut épouser notre terre. Ce texte-là m'a beaucoup marqué, moi, personnellement, juste avant que je sois ordonné comme diacre, avant de donner ma vie, parce que déjà au diaconat, on donne notre vie vraiment. Et c'est un point de non-retour où on se donne aussi dans le célibat, on se donne pour la prière, pour déjà célébrer certains sacrements, le baptême ou le mariage et autres. Eh bien, je faisais ma retraite au monastère des petits frères de la Croix, puis j'avais encore mes petites bébites, des fois, qui remontent. Je voyais bien mes zones intérieures de terre désolée, aride, sèche. J'avais des parties où ça allait bien, mais c'est pas ça qui me préoccupait, c'est plus ce qui allait pas bien. Puis, Seigneur, je me débattais encore avec ça, puis c'était encore presque une ou deux avant l'ordination. Puis je disais, Seigneur, j'étais découragé, en fait. Et puis, je parlais avec le moine, un moine là-bas. Si le Seigneur, lui, l'aime, ta terre désolée, si même il veut l'épouser, ta terre désolée, ta terre en frite, t'aimes pas, que tu voudrais juste arracher là, cette partie-là de ta vie. Mais si Dieu, lui, et moi, j'ai le goût de me pencher sur cette terre-là, et même d'y planter ma tente, vas-tu empêcher Dieu? Et j'ai compris durant cette route que Dieu voulait pas tant qu'on soit parfait, mais il voulait qu'on lui donne la permission d'épouser notre imperfection. Saint Paul, vous vous souvenez, Saint Paul, dans son épître qui dit, il est achalé par une tentation, une épreuve, on ne sait pas trop c'est quoi. Il dit un ange de Satan qui était chargé de me souffléter. Il parle aussi de l'écharpe dans sa chair. Puis il dit, par trois fois, j'ai demandé au Seigneur, enlève ça de ma vie. Ça m'énerve, ça me pèse. Mais le Seigneur lui a répondu, ma grâce te suffit. Elle donne toute sa mesure dans ce que Dieu veut célébrer ce soir. C'est une noce, un mariage entre la grâce et ma faiblesse. Voilà les époux convoqués à la noce. Eux, ma faiblesse, veut rapprocher l'un et l'autre. Permettre à Dieu de venir épouser cette terre désolée, cette dans ma vie. Et comme tout épousage, eh bien, lorsqu'il y a une union forte, qu'est-ce qui se passe souvent après? Il y a une fécondité. Il y a une vie nouvelle qui jaillit, hein. Un homme et une femme qui s'aiment. Eh bien, pouc, petit paquet d'amour qui peut surgir, des enfants. Eh bien, de la même façon, lorsque la grâce des dieux épouse ma faiblesse, pouc, il y a des petits paquets d'amour qui naissent. Il y a des grâces pour d'autres. Et mystérieusement, souvent, je garde encore ma faiblesse. Mais la grâce de Dieu étant toute puissance, ça devient une faiblesse féconde. Très étonnant. Une faiblesse féconde. Et Saint Paul dira, c'est la deuxième lecture qu'on a eue, avec cette épousaille de la grâce de Dieu et de ma faiblesse, Dieu en profite pour déposer toutes sortes de dons. À l'un, le don de sagesse, un autre, le don de prophétie, un autre, on pourrait dire, le don d'organisation, un autre, le don de foi, un autre, pour le don pour faire des miracles, un autre, un don pour la musique, un autre, pour un don pour enseigner. Il y a toutes sortes de dons. Comme chaque enfant de famille est unique, eh bien, de la même façon, lorsque Dieu épouse notre faiblesse, il nous donne des dons uniques. Pour. Eh bien, je vous lance un défi ce soir encore. Celui de donner à Dieu la permission de célébrer la noce qu'il veut célébrer entre sa grâce et ta faiblesse. On n'a pas toutes les mêmes pauvretés, les mêmes points de souffrance, qu'importe. Premier élément ce soir, il faut donner à Dieu la permission de lui dire « Ok Seigneur, je vais arrêter de me débattre, mais viens-t'en, viens épouser ma souffrance ». Et je ne sais pas comment, mais arrange-toi pour que ça devienne une faiblesse féconde. Oui, je veux la fécondité, Seigneur, de ma faiblesse, de ma souffrance. Oui, fais-toi plaisir, aime-moi. Hein, le texte d'Isaïe disait, comme un jeune homme épouse une jeune fille, celui qui t'a construite épousera, comme la jeune mariée est la joie de son mari, ainsi tu seras la joie de ton Dieu. Eh bien, ce soir, dites, « Ok, Seigneur, fais-toi plaisir. Je veux être ta joie. Fais-toi plaisir. Déverse ta grâce. Rends féconde ma faiblesse. » Autre, donc, premier point du défi de la semaine et qui commence dès ce soir, donner à Dieu ma faiblesse pour qu'il l'épouse, lui donner la permission. Deuxièmement, prendre Marie. Marie a été là dès le premier signe. Le premier miracle, il s'est fait en présence de Marie et parce qu'elle est tenace, Marie. Si vous avez des grâces à demander, passez par Marie, femme tannante, tenace, auprès de Jésus. Et deuxièmement, Marie vous dit, c'est-à-dire, ce qu'elle dit au serviteur, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Puis vous, si vous vous sentez pas très fort, que vous êtes vraiment, j'ai l'impression d'être pas juste faible, mais d'être épouvantablement faible, si vous vous sentez même comme une cruche, hein, le texte dit, la parole de l'Évangile, « Seigneur, viens remplir ces cruches. » Je me sens comme une cruche, pas grave. Viens la remplir, viens me remplir, Seigneur. Et transforme cette eau en vin, en bon vin, pour que d'autres ensuite, d'autres qui s'approchent de moi, puissent boire à cette eau géniale de saint et de l'amour. Oui, Seigneur, on se tourne vers toi ce soir, donc. Je trouve ma terre désolée. Je vais l'épouser avec ta grâce. Oui, Seigneur, ce soir aussi, je veux prendre Marie un plus dans ma vie pour qu'elle prenne et avec elle, je veux vraiment être docile à ton Esprit Saint et faire tout ce que tu me demanderas, même si parfois, ça, je trouve que ça n'a pas trop de bon sens, mais si tu me le demandes, Seigneur, oui, je vais essayer de le faire. Donne-nous ta grâce, Seigneur, et rends féconde nos faiblesses. Amen.